Alice au pays des femmes, Élu Lapérin, Alice au pays des femmes, première partie Paris, Isabelle et Cannes, 1, regarde comme nous sommes belles, mon amour, le goût de son sexe liquéfié, son odeur de santal, d'algues salées, ses plaintes douces et prolongées envahissaient à nouveau mes sens bouleversés. Nous avions fait l'amour doucement à la lueur d'un sapin de Noël rutilant, son visage. Son corps harmonieux penché sur moi dans la pénombre multicolore me caressait des yeux, des lèvres, des mains, la grande glace de l'entrée reflétait à peine l'image merveilleuse de nos deux corps enlacés. « Il faut que je te quitte mon amour, il est 11 heures, rire, murmure, s'arracher à ses bras tièdes, à sa petite voix alanguie qui me demande de rester encore un peu. Serré contre elle. Mais cette nuit de fête se traduit pour moi par une longue et épuisante nuit de travail aux quatre. J'ai connu tant de femmes que l'on pourrait me croire blasée. Pourtant, ces caresses, pourtant, ces mots, ont été prononcés il y a un an et leur souvenir est aussi vif que la douleur qui m'étreint maintenant. Le sapin acheté il y a 3 jours, j'y, nu, inutile, sur le balcon froid. Elle avait exigé un arbre véritable, elle ne voulait plus celui en plumes blanches qui avait illuminé nos 3 Noëls précédents. J'avais passé ma vie, notre vie commune à prévenir et combler ses désirs. Ce soir je suis seule devant la télévision que je ne regarde pas, les yeux brûlants d'avoir trop pleuré. Je m'accuse d'avoir tout détruit. Mais est-ce vrai, n'est-ce pas plutôt elle qui m'a abandonnée, qui m'a quittée, reine vieillissante? Désormais inquiète de mon corps, mal assurée de mes conquêtes. Cette idée me fait mal et je ne me sens pas la force d'y faire face aujourd'hui, je l'enfouis au plus profond de moi-même. Je sais cependant qu'il me faut apprendre à vivre avec lui, avec ce compagnon trop fidèle qui ne nous abandonnera jamais. L'âge. Il vient, je le vois sur mon corps, sur mon visage, je l'entends dans mon sang, il palpite dans mon ventre. Il me dévore. Le temps. Isabelle, Isabelle, es-tu trop jeune, trop belle pour que je puisse te retenir? Tu m'as aimée pourtant. Je suis Élula, Élula séductrice, Élula brillante, Élula nocturne, Élula la femme affamée. Je pleure sur moi-même, sur toi qui m'as abandonnée, sur mes amis que j'inquiète, sur ma vie que je ne comprends plus. 11 heures, je m'habille avec soin. Avec trop de soin pour oublier mes larmes et ma douleur, je me maquille avec application. C'est une corvée que je bâcle en général. Aussi, d'habitude, c'est elle qui me maquille pour les grands soirs, tandis que je reste assise sur le rebord de la baignoire, piaffant d'impatience. Alors pour me distraire, je la prends par les hanches, je la caresse, je suis la courbe de ses seins, de son ventre, de ses fesses. Mes doigts s'insinuent dans sa mousse noire et drue, je l'entends gronder, arrête. Je ne peux pas te maquiller si tu bouges comme ça tout le temps. Ce soir le clown se maquillera tout seul devant son miroir. Je me regarde dans la glace, j'ai pleuré des heures et des heures, j'ai à peine dormi et pourtant mon visage tient encore le coup. Ça peut encore aller, je pense, je le veux, il le faut, je peux encore plaire, je le sais. Je le lis souvent dans le regard des autres. Hier je me sentais vieille, couverte du crachat, abandonnée, misérable. Maintenant je dois me relever, m'apprêter à nouveau à défier le ciel. Ma peau est mate, fine et douce, les yeux noirs et brûlants, les épaules harmonieuses, les hanches rondes et désirables, les bras, un peu forts, oui. Je n'ai plus 20 ans. Hier on m'a traité de vieille folle. Ce soir, il faut que je redevienne moi-même. Jiminy, sale petit grillon qui campe dans un coin de ma tête, sous le pli de l'œil, qui ricane parfois. Tu n'en as plus pour longtemps. Profite, profite. Jiminy, tu m'as eu, tu m'as joué un mauvais tour. J'ai voulu t'écouter. Serre aux abois, j'ai cru en ton alali. J'ai voulu courir encore. Me prouver, prouver aux autres que je pouvais toujours plaire et séduire. Le résultat, des cendres, du sang et des larmes. Isabelle partie, Alice triomphant, mes amis troublés, sceptique. 11h30, je quitte mon appartement avec appréhension, oppressé. Je suis tenté de me mettre au fond du lit, ne plus rien savoir, me cacher, disparaître. Je pars pourtant faire face à la nuit. Il pleut sur Paris, je conduis lentement, derrière les vitres des voitures qui me croisent, j'aperçois des visages réjouis, ils me paraissent aussi bêtes que les klaxons et les lumières célébrant une fête qui a perdu son sens. Le Katmandou, je me gare, je sonne, Marim, la portière sénégalaise, m'ouvre, coiffure de réveillon. Des dizaines de petites tresses auréolent son beau visage africain. Elle sourit, gênée. Joyeux Noël, joyeux Noël. Elle n'a pas osé ne pas prononcer cette phrase ridicule. Je lui tends mon manteau. Avec lui s'en vont la haine, le dégoût, la honte et le chagrin. Je suis chez moi au club, je suis élue là la reine des lesbiennes de la nuit. Élue là la patronne, je puise des nouvelles forces dans cette vérité que je me répète en silence pour affermir mon courage renaissant. Le personnel m'est hostile ce soir. Il a fallu, en quelques heures, trouver une remplaçante à la fille que j'ai renvoyée. Remodeler à la va-vite toute l'organisation de la boîte un soir de réveillon. Les filles m'en veulent, je le sens, je le sais. Seule la disquaire est contente, c'est moi qui l'avais renvoyée il y a un an. C'est moi qui lui ai demandé ce matin de revenir en catastrophe. Encore une capitulation, encore une humiliation, mais au point où j'en suis. Aimée vient vers moi. Aimée, la plus qu'aimée, mon ancien amour, ma sœur, mon associée, l'autre moi-même, si différente de moi et si complémentaire pourtant. Elle me serre dans ses bras. « Vas-tu pouvoir tenir ?» murmure-t-elle. Le personnel est très monté contre toi. Je sais. Tant pis. Personne n'est indispensable et on vient de le prouver. Il n'y a que toi et moi de nécessaire ici. Je l'ai dit assez haut pour être entendu de tout le monde. Mais si l'on gronde dans l'entrepont, je sais que la mutinerie n'éclatera pas ce soir. Je me sens forte. Mon malheur m'aidera à tenir le coup. Il rend le monde dérisoire et les problèmes professionnels m'apparaissent mineurs. Je suis élu là. Aimer, détester, admirer, décrier. Je suis là, je suis prête, appuyée sur ma douleur. Je peux jouer tous les rôles. Premier coup de sonnette. Première cliente. Joyeux Noël. 2. Il y a 7 mois. Seulement 7 mois. Déjà 7 mois. C'était l'été, le 13 juin. J'ouvrais une petite boîte à Cannes. Je ne suis pas superstitieuse. Pourquoi cette tocade? J'ai largement de quoi vivre. Mais j'avais eu envie de retrouver mon midi, le soleil, la mer. J'avais tenu le Yeti à Saint-Tropez, quelques années durant, mais j'avais cessé par lassitude. Cette année, la fringale du midi m'avait reprise. Je cherchais donc un local et me décidais pour le Jockey, un bar américain avec une petite piste de danse, qui avait conservé le style pute du temps des beaux jours. Lorsque l'escadre américaine faisait escale à Cannes, malgré la cheminée où rougeoyaient de fausses bûches et les peintures chromo sur les murs de velours rouge, cela ferait un agréable repère pour les lesbiennes de l'été 74. Comme personnel, Joss, qui serait barmaid, brune, assez jolie, cheveux très courts, yeux verts très vaches, elle ferait sûrement l'affaire. Isabelle serait disquaire. Isabelle, c'est mon amour. C'est la fille que j'aime. Je l'ai rencontrée au CAT il y a 4 ans. Une cliente, ravissante, entre aperçue un samedi soir en compagnie d'une vague connaissance. Orchidée sauvage, teint mat, cascade de cheveux noirs, yeux noirs, le visage au dessin parfait. Encore un peu enfantin, l'air farouche. Elle semblait très amoureuse de son amie. J'avais été, durant quelques mois, particulièrement attentionnée. Gentille, aimable avec elle deux. Je ne cachais pas mon admiration pour cette fille dont j'ignorais tout. J'aimais mal dissimuler mes sentiments et le faisais d'autant plus à l'aise qu'il ne rentrait, dans mon image, aucun désir de la séduire. Elle était accompagnée et je n'ai pas l'habitude de chasser dans le territoire des autres. Un jour, son amie m'annonça qu'elle partait s'installer définitivement au Brésil. Tu pars avec ta belle amie? Non. Elle reste à Paris. Alors, je te préviens, si elle revient au club, Je lui ferai la cour et tenterai ma chance. » Elle haussa les épaules, fataliste. « Elle fera ce qu'elle voudra. » En réalité, elle prévint la ravissante, « Ne remets jamais les pieds dans cette boîte. Je te le conseille. » Elula est une espèce de femme fatale. Elle va coucher avec toi et te laissera tomber. J'ai vraiment bonne réputation. La petite fille résista de moi au désir de revenir au milieu de nous. La femme avec qui je l'avais rencontrée avait été sa première aventure de lesbienne. Avant elle, deux hommes, pas des gamins. Des trentenaires, qui avaient bien peu marqué son cœur et son corps, avec eux, elle s'était contentée de jouer, capricieuse, adulée, sûre de son pouvoir, tirant les ficelles de ces deux pantins dont elle s'était vite lassée. Un jour enfin, au bout de la nuit, je la vis apparaître. Elle se tapit, effarouchée, intimidée, au coin du bar. Elle portait une jupe longue en lotard bleu délavé. Un dos nu qui dévoilait indécemment sa peau dorée, satinée, une casquette de même toile légère où elle avait enfoui ses longs cheveux. Je m'approchai d'elle aussitôt, et tins parole. Je lui fis une cour gentille, sans agressivité, en demi-teinte douce, en sourire et en regard, sans geste, sans ces pressions et ces manipulations que les hommes, et quelques femmes, prennent pour de la bonne stratégie. Je ne quittai guère le coin du bar où elle s'était réfugiée. Et je ne fus pas la seule. Il y eut une grande effervescence autour d'elle. Pascal, ma jolie barmaid, tentait sa chance. Jean, un charmant petit copain, et une ou deux clientes. Nous n'étions plus qu'attention, regard, franc ou dérobé, sourire, gentillesse. Elle répond légèrement, intimidée, sauvage. Elle ne sait pas encore utiliser son charme, sans doute n'a-t-elle pas tout à fait conscience de sa beauté, de l'effet qu'elle provoque sur nous tous. C'est un merveilleux oiseau auquel il faut apprendre à déployer ses ailes. Vous dansez? Elle est un peu raide et ne se laisse pas facilement conduire. Comme toutes les jeunes de sa génération, habituées à danser seules sur des musiques violentes. Elle accorde mieux ses mouvements au rythme qu'au corps de sa partenaire. Je la tiens contre moi, mais je ne l'investis pas, je la sens, je l'effleure. Je n'ose lui dévoiler ouvertement mon attirance. Chaque fois qu'une femme me plaît, je deviens timide, je dis des banalités, ou bien, funambule, je jongle avec les mots, essayant de la faire rire pour mieux cacher ma gêne. Ma crainte d'être repoussée. Je ramène celle que je ne sais pas encore s'appeler Isabelle au bar où tous s'empressent autour d'elle. Je déteste la compétition, mais ce soir-là, terriblement séduite, j'accepte même d'être un simple numéro de loterie. La première, je l'invitais à dîner pour le lendemain. J'avais un court avantage sur mes concurrents puisque la belle accepta les invitations à dîner de tout le monde. Je vivais encore avec Aimé. Notre tendresse restait entière. Mais depuis que j'avais failli la quitter pour Léa, ma belle comédienne, quelque chose avait cessé d'exister entre nous. Je l'avais trompée. Elle savait que cela pouvait se répéter. Et je savais qu'elle le savait. Isabelle ressemblait à Léa. Moins femme peut-être, moins épanouie, moins sûre d'elle et de sa beauté. Je penchais à nouveau vers les lianes brunes, longues et féminines, vers cette figure que je poursuis depuis 20 ans, vers cette image de la femme avec qui je découvris l'amour, et qui avait nom Maïna. Je me garais difficilement dans le quartier de l'Opéra. Isabelle m'avait donné rendez-vous au drugstore à l'heure de pointe. Je rêvais pour cette première rencontre d'un lieu joyeux et léger. Me voici parmi les visages grossiers, violemment éclairés, dans la hâte, la hargne, l'avidité, le désarroi. Je craignais soudain de ne pas la reconnaître, et n'aurais-je pas ce choc que l'on a parfois lorsqu'on revoit de jour certains visages aperçus dans la nuit? Il est de mes clientes, blêmes et livides que je ne reconnais pas dans la journée, être de la nuit. Ils s'épanouissent seulement dans l'ombre nocturne et la lumière douce qui pardonne et efface beaucoup. Je flâne parmi les rayons, apparemment distraite, au fond, troublée, inquiète, je me compose une attitude, consciente du moindre de mes gestes, du moindre regard des autres. Elle arrive dans un drôle de cire jaune criard, elle me sourit comme une enfant. Je l'emmène au dîner, auberge pédérastique. intime, retiré, ou deux femmes qui se regardent trop intensément et dont les mains se caressent n'attirent ni l'attention ni l'anathème. Nous parlons peu, et fort mal. Je me sens bête, intimidée. Sa beauté m'effraie. Je cherche des prétextes. Je m'entends, presque surprise, poser des questions idiotes. Cette bague. Ia. Pourquoi? Ce sont mes initiales. Vous m'avez dit vous appelez Nathalie. Non, je m'appelle Isabelle. Pourquoi un surnom alors? Isabelle, c'est très beau. C'est même le plus beau prénom pour une femme, avec Eve. Il enferme en lui seul, déjà, toute votre beauté. Belle, belle, Isabelle. Mais on a déjà dû vous le dire mille fois. Ce piètre jeu de mots jaillit spontanément me fait un peu honte. Elle sourit. Elle me pardonne. Je viens dans votre boîte en cachette de ma mère. Alors je change de nom pour ne pas être reconnue. Stratagème enfantin et dérisoire qui m'attendrit. Peut-être ne suis-je pas encore amoureuse d'elle, mais seulement attirée, séduite, aspirée. Faire l'amour, sûrement, mais sans doute pas aujourd'hui. J'ai malgré tout, Don Juan expérimenté, pris des dispositions en ce sens. Demain, dans quelques jours, qui sait? Je ne suis pas pressée. Comme la plupart des femmes, l'idée de faire l'amour ici et maintenant, dès la première rencontre, n'a rien pour me plaire. Pudibonde, je refuse d'y penser. Pudique, je refuse de le faire. C'est du moins ce que je me suis toujours dit et que je me dis encore lorsque je lui propose après dîner d'aller chez une amie qui m'a laissé la clé de son appartement. Le prétexte, une émission de télévision qu'elle a réalisée et que je dois voir absolument, elle y tient. Mon poste est en panne et elle, partie en voyage. Cette proposition n'est même pas un mensonge, un simple prétexte. En effet, je pense, bien sûr, en montant avec Isabelle dans un appartement vide, je nous donne la possibilité de faire l'amour, mais d'une certaine manière je sais que je ne le veux pas vraiment, que je pourrais m'en passer. Je tâtonne dans ce lieu que je connais mal. Je suis gênée. Je me fais l'effet d'un méchant loup séduisant une proie fraîche et ingénue pour mieux la dévorer. Peut-être, ne puis-je m'empêcher de penser, croit-elle que je vais lui sauter dessus, la sauter tout court, à la hussarde, sur le bord du lit. Je voudrais qu'elle me connaisse, qu'elle sache que je n'aime que la lenteur, la douceur, la rencontre harmonieuse et feutrée des deux corps frémissants de désir. Je règle la télévision, l'esprit ailleurs, ému, je m'embrouille dans les touches, trébuche sur le tapis. Enfin, l'image. Sagement, nous nous installons. Elle a gardé son drôle de ciré. Soudain elle se lève. Elle commence à l'ôter, il crisse, craque. Un choc, elle porte un short jaune minuscule et des cuissardes en cuir noir qui montent jusqu'à la naissance d'une cuisse parfaitement dessinée, lisse et dorée. Les seuls hommes qui parfois retiennent mon regard et éveillent mon désir, ce sont les égoutiers aux pas lourds et maladroits qui surgissent soudain d'une bouche béante du trottoir ou ces pêcheurs de truites qui remontent lentement le courant d'une rivière peu profonde et agitée. Ce sont leurs bottes hautes qui à mes yeux les transforment, cessant d'être pour moi des hommes. Leur image me trouble. J'ai souvent rêvé de voir la femme aimée, les jambes moulées dans ses longues cuissardes, et voilà qu'elle se dresse enfin devant moi, splendide. Telle que je l'avais de tout temps imaginée. Je restais sans voix, la gorge sèche, affolée, désirante et silencieuse. Isabelle s'allonge à demi sur le lit qui fait face au poste de télévision et sur lequel je suis assise, appuyée sur un coude, le torse ployé, elle installe simplement ses jambes contre mes reins. Je suis paniquée, j'ai beau avoir connu mille femmes. Commencer les gestes amoureux m'a toujours embarrassé. Mes mains sont gauches, elles tremblent légèrement. J'hésite, je doute. Et si elle me repoussait, si elle s'en indignait? Question stupide qui m'assaille à chaque fois. Pourtant, bien peu de femmes ont repoussé mes mains trop hardies, dans ma vie chatoyante de femme passion, de femme désir, de femme amour. Mais pourquoi? Pourquoi cette panique? Chaque fois et toujours. Ce trac qui me paralyse le corps et l'âme à l'approche d'une femme inconnue, mystère qui me bouleverse cœur et sens, merveille, miracle éblouissant de mon désir à chaque fois renouvelé. L'émission est quelconque et je ne la regarde pas malgré l'attention feinte que je lui porte. Avec maladresse, je lève ma main et la pose trop brusquement sur sa hanche. Ce premier contact me calme. Je retrouve ma douceur pour lui caresser la cuisse. Elle reste immobile, apparemment absente, presque figée, fascinée par l'écran de télévision où se succèdent des images qui n'ont plus de sens. Je me penche et laisse traîner mes lèvres sur sa peau jusqu'à ce que le cuir noir de la botte arrête ma bouche. Je me soulève, me retourne, prends sa nuque légère entre mes deux mains, l'une descend sur le cou, l'autre caresse les cheveux. Je la sens frémir. N'aie pas peur, petite fille. Je ne désire rien de plus que ce que tu me laisseras prendre. Mes lèvres découvrent son oreille, ses cheveux recouvrent mon visage, son parfum est trop violent, trop musqué, trop femme pour sa fraîcheur. Elle est toujours immobile. Je l'allonge sur le lit, penché sur elle, je murmure, n'ayez pas peur de moi. Pourquoi cette phrase idiote? Elle n'est pas pucelle. Elle a accepté de monter avec moi dans un appartement inconnu. Précisément, je n'arrive pas à voir les choses de cette façon. Cela peut paraître paradoxal, mais malgré les apparences, je ne suis que tendresse à cet instant. Je veux la faire venir à moi lentement, sentir nos cœurs et nos ventres à l'unisson. Je veux goûter nos désirs, franchir harmonieusement le seuil de notre lien. Connaître à nouveau et pleinement le vertige de la découverte d'un corps neuf, d'une fleur nouvelle. Sera-t-elle voluptueuse ou timide, pudique, économe, excessive ou vibrante? Quel goût aura sa peau? Quel goût auront ses lèvres? Cette attente me fascine, ce mystère m'inquiète et m'émeut. Allongé auprès d'Isabelle, je promène mes lèvres sur son front, sur ses paupières, sur les ailes de son nez, je cherche à la sentir. Je reconnais ses traits, j'embrasse ses formes. Elle ne dit rien, elle se laisse faire, le visage fermé, les yeux clos. Ma main cherche la sienne, la trouve et la serre. Elle réagit à peine, tressaille un instant quand mes lèvres se posent brièvement sur les siennes. Je reviens doucement, elle répond enfin par une douce pression. On ne redira jamais assez l'émotion d'un premier baiser. Ce moment où, s'entr'ouvrant, deux bouches se découvrent, se livrent l'une à l'autre, lorsque la langue soudain palpite à l'intérieur de soi, chair à vif, chair vivante et humide à la saveur inconnue. J'ai toujours tenu cet instant pour décisif, il est à mes yeux plus important même que la découverte d'un nouveau sexe. Des lèvres qui s'écartent, des bouches qui se laissent envahir, c'est se donner entière, le corps ne fera que suivre. Les salives mêlées du premier baiser, c'est déjà l'enfantement de la première étreinte. Il y a des bouches que l'on n'aimera jamais, et j'ai parfois stoppé des idylles naissantes après une rencontre désastreuse avec des lèvres ennemies, des baisers trop brutaux ou trop inertes, trop agités ou trop maladroits. Il est des éducations que l'on ne peut pas refaire et le baiser est de celles-là. À part quelques attardés dans mon genre qui ont embrassé pour la première fois à 18 ans. On commence assez jeune, de baisers maladroits en baisers volés, des cinémas en sièges de voiture, on arrive à 20 ans avec des habitudes déjà très marquées. On révèle souvent dans un baiser toute sa personnalité, toute sa sexualité. Embrassez une femme et vous saurez comment elle se comporte en toute chose. Je dis une femme, et non un être humain. C'est que les hommes, paraît-il, embrassent si peu et si différemment de nous, que nous ne parlons peut-être pas de la même chose. Pour nous, pour moi, le baiser est sacré. Isabelle, petite Isabelle, ta bouche est chaude, passionnée, ton baiser un peu brutal mais je te contrôle, je t'apaise, je te radoucis. Bientôt, nous ferons l'amour. Je sais que nous le ferons mal car je serai gênée, maladroite. Je sais, ayant beaucoup vécu, que je ne fais bien l'amour la première fois qu'avec une femme que je n'aime pas. Je n'ai alors aucune gêne, aucune crainte, aucun tabou, nul interdit, je me dénude moralement pour mieux offrir mon corps au plaisir. Je montre ce dont j'ai envie, je le demande sans vergogne, sans pudeur, et je jouis. Mais je ne puis jouir ainsi, tout de suite, qu'avec une partenaire d'occasion, simple figure plaisante à laquelle aucune passion ne me lie. Isabelle, laisse-moi apprendre seule comment t'aimer, comment te faire atteindre le plaisir. Surtout, mon amour, ne me dis rien. Les mots trahissent, laisse-moi apprendre ton corps, laisse-moi te découvrir, toi qui es presque nu, déjà, contre moi. Laisse-moi trouver les gestes, laisse-moi inventer la caresse idéale qui te ravira, qui te rendra mienne comme tu ne l'as jamais été avec une autre avant moi. À chaque fois j'ai tout à apprendre et tout à découvrir, tout à apporter et tout à offrir à chaque fois. Mon Isabelle, ce fut l'éblouissement, je ne te le cache pas. Mais je l'ai oublié, je les ai tout oubliés pour venir vers toi. Je ne veux pas penser qu'un jour peut-être, toi aussi je t'oublierai dans d'autres bras, contre un autre cœur. Pour l'heure, pour l'éternité, il n'y a que toi, il n'y a jamais eu que toi. 3. L'adultère est une situation que je déteste. Les mensonges, les stratagèmes, les alibis, les secrets, les prétextes, tout ce qui passe pour être le piment des liaisons clandestines me fait très sincèrement horreur. Que celle ou celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Il m'est bien sûr arrivé de tromper ma compagne, mais je l'ai toujours fait contre moi-même, intérieurement révolté car je n'aime que le grand jour. Je ne crois qu'à la transparence. Très vite j'essaie de tirer les choses au clair, et si je suis vraiment éprise, je choisis de rompre et, dans la mesure du possible, je le fais sans violence. Je respecte trop la douleur de l'autre pour ne pas vouloir la lui rendre plus facile à surmonter. Ainsi je décidais de prendre mon temps avec Aimé. Il fallait m'assurer d'abord que j'étais vraiment amoureuse d'Isabelle et tenter ensuite de me séparer doucement, avec tendresse et amitié, de celle qui était ma compagne depuis longtemps. Avec dégoût, mes passions, je m'installais dans l'adultère. Quand le soir venu, Aimé partait ouvrir son restaurant, je me hâtais vers le lieu de mes amours clandestines, vers cet appartement qui avait vu nos premières caresses et nos premiers émois. Je prenais le vieil ascenseur poussif qui, après maints craquements et vibrations inquiétants, me déposait sur le palier de l'étage où Isabelle m'attendait souriante, assise sur la dernière marche de l'escalier. La propriétaire des lieux, très souvent en déplacement, m'avait, complice, laissé sa clé en permanence. La plupart du temps, Isabelle et moi pénétrions dans un océan de poussière où se dressaient, tels des fantômes, des meubles laqués recouverts d'une pellicule grise et légère que le moindre de nos mouvements soulevait en tourbillon. Peu nous importait l'état des lieux. Nous n'avions ni le temps ni l'envie de jouer les fées du logis. Tel était le décor de nos premières caresses, tel nous l'aimions, et sans nous soucier des moutons qui roulaient sous nos pieds, ni de la poussière qui voletait, nous nous jetions affolés de désir sur le lit froissé par nos ébats précédents et nous nous aimions, nous nous aimions. Nous prenions ensemble une douche hâtive avant que je ne parte travailler, les lèvres gonflées de baisers, les corps encore sous de plaisir. Nous quittions le palais enchanté, dans l'étroit ascenseur, collés l'une à l'autre pour mieux retenir nos odeurs et conserver le souvenir de nos fragilités. Nous redescendions sur terre où nous devions nous séparer et cacher nos tendresses. Le jeu du secret commençait dès le rez-de-chaussée, l'air apparemment dégagé et frivole, nous passions devant le concierge, notre ogre privé, qui de ses yeux globuleux suivait attentivement nos silhouettes. J'ai toujours été dérangée, gênée, par les regards hétérosexuels lorsque je viens de jouir dans les bras d'une femme. Je ressens peut-être trop profondément le mépris et l'incompréhension qui entourent les filles de lesbo. Pour le commun des mortels, nous sommes des vicieuses, des pécheresses, incapables de sentiments. J'enrage de ne pas pouvoir dire, crier la beauté et la merveille de nos amours. J'aimerais presque entendre dans la loge la concierge dire à son époux, « Voilà les gouines du cinquième qui ont terminé », afin d'ouvrir la porte et, souriante, leur dire combien je suis heureuse. L'été est arrivé très vite. Je supportais de moins en moins nos rendez-vous furtifs, nos caresses dérobées. Je savais désormais que ma liaison avec Isabelle, que j'avais perçue au début comme une simple et douce aventure, était devenue pour moi l'essentiel. Avec le soleil, Il fallait en finir avec les alcôves et les cachotteries. Je devais me rendre à l'évidence. Je voulais tout d'Isabelle, toute Isabelle. J'en étais affamée. Je devenais exclusive. Je ne pouvais plus vivre dans l'équivoque et le mensonge. Comment faire pour quitter aimer à qui la plus grande des tendresses me liait? Comment éviter les scènes et la souffrance? Comment lui dire? Quand lui dire? Le hasard et la méchanceté allaient rendre inutiles toutes ces questions et balayer mes scrupules. Aimé était parti pour les 3 mois d'été à Saint-Tropez où nous avions pris ensemble la gérance d'un club que nous animions à tour de rôle. L'une des deux restant toujours à Paris. C'était la liberté complète pour Isabelle et moi, mais je ne me contentais plus de cette liberté-là. Je m'apprêtais à rejoindre Aimé sur la côte lorsqu'une garce, cliente parisienne, lui parla sur le ton de l'évidence de ma nouvelle amie, mais si, tu sais, cette ravissante minette aux longs cheveux noirs. Voyant Aimé blêmir, elle joua la confusion. La surprise. Elle fut garce par plaisir car elle n'ignorait rien et cherchait uniquement à faire mal, à lui faire mal. Aimé vint me chercher à l'aéroport de Nice. Nous parlâmes sur le chemin du retour. Août commençait à peine, la route était encombrée, le voyage interminable. Aimé pleurait en silence, je me contorsionnais inutilement sur mon siège, mal à l'aise, non seulement malheureuse du chagrin dont j'étais à nouveau la cause. Mais aussi furieuse contre moi-même parce qu'Aimé était convaincue que sans l'intervention de cette garce je lui aurais caché pendant longtemps encore ma liaison avec Isabelle et qu'il m'était indifférent de la ridiculiser publiquement en m'exhibant avec elle. Non, Aimé, non, pas ça, je te le jure, pas moi. Cruelle peut-être mais pas salope, j'allais te le dire ce soir, je n'ai jamais voulu t'offenser, te blesser, te faire mal. J'en suis malade mais comment faire autrement puisque je dois te dire que j'en aime une autre. J'ai pour toi une telle estime, une telle tendresse. Nous pleurions toutes les deux en silence. Qui prétend que les disputes de femmes sont toujours hystériques? Je m'éloignais d'elle à nouveau, et cette fois-ci, elle le sentait bien. À tout jamais. Ce n'était plus un coup au cœur comme je l'avais déjà eu. Aimé comprit tout de suite que c'en était fini d'elle et moi. Elle conduisait comme toujours, bien, d'une main ferme. Elle me posait des questions d'une voix brève, comme détachée, elle voulait tout savoir, et je lui répondais de mauvaise grâce, me sentant coupable et innocente. Déchirée entre ma passion pour Isabelle et ma tendresse pour Aimé. À Saint-Tropez. On ne s'est aperçu de rien. La mauvaise langue en a été pour ses frais. Elle n'a pas pu se délecter de nos déchirements, cris, scandales, crépages de chignons, dépeçages de viscères sur la place publique, comme il en était de mise dans le groupuscule de bourgeoises oisives dont elle faisait partie. Nous avons terminé la saison ensemble. Aimé était triste, mais n'en laissait rien paraître. Son orgueil m'aidait à me sentir moins coupable. Moins moche. Le 1er septembre, tandis que se refermaient les parasols et les baraques à crêpes, je suis partie une semaine en Corse avec Isabelle. L'été l'avait rendue encore plus belle, plus savoureuse. Mon cœur et mes sens s'affolaient lorsque je la regardais bouger, nager, s'étendre sur un rocher le visage renversé vers le soleil, hiératique. Était-ce vraiment pour moi, ce cadeau du ciel? Cette enfant reine, elle pleura lorsque je la laissai finir ses vacances chez une de ses amies à Ajaccio. Je voulais rentrer seule à Paris. Elle gémissait doucement, elle avait peur que, de retour auprès d'Aimé, je ne veuille plus m'en séparer. Comment la rassurer? Ne sentait-elle pas à quel point je l'aimais, que ce n'étaient pas des mots vides de sens, ces paroles folles que je lui murmurais tandis que nous roulions dans les bras l'une de l'autre? Moite de l'été finissant et de nos étreintes. 4. À Paris, sans cri et sans fureur, Aimé a bouclé ses valises et s'en est allé vivre seul en attendant qu'une autre femme vienne éclairer sa vie. Trop belle âme pour conserver longtemps sa rancœur à mon égard. Il lui fut impossible de ne pas détester Isabelle, il a bien fallu un an pour qu'elle accepte de la saluer du bout des lèvres. Et encore une autre longue année avant qu'elle ne lui adresse la parole. Au début de l'automne, Isabelle est venue s'installer chez moi. Il y a 4 ans de cela, notre vie fut une suite de tempêtes violentes, de volupté folle, de cruauté inconsciente, de passion excessive, une suite de blessures que, sitôt ouvertes, notre amour venait refermer. L'amour guérilla comme je ne l'avais jamais connu. Isabelle fut une enfant mal aimée, marquée par une vie instable et agitée. Une mère un peu frivole, un divorce fracassant, la petite fille et ses frères passant de l'appartement sévère et froid d'un père dictatorial, à la vie de bohème que menait une mère trop coquette, trop jeune et trop belle. Isabelle craignant l'avenir, qui casse ses jouets de peur de les perdre. Isabelle fantasque, capricieuse, qui me jette hors de mes gonds et qui, lorsque je suis écumante de rage, redevient l'enfant douce. Ses grands yeux crient l'innocence, son visage tout entier joue l'étonnement devant ma colère injuste. De ses lèvres coule de la tendresse et des paroles de miel. Je gronde encore un moment, je rugis et me débats, puis je capitule, je m'attendris, je la serre dans mes bras. J'écoute avidement ses souvenirs. Les photos d'Isabelle enfant me font défaillir de tendresse. Elle me montre souvent lorsque nous traversons Paris les endroits où des parcelles de sa vie se sont écoulées. La première fois qu'elle m'a montré l'église où elle avait fait sa première communion. J'ai appuyé fort et longtemps sur l'avertisseur. Qu'est-ce que tu fais? Tu entends? Je salue cette église où tu as fait ta communion. Je salue mon Isabelle enfant. Depuis, j'ai salué ainsi, à travers la ville, son école maternelle, son lycée, son cours de danse, les appartements successifs que sa famille a occupés. J'ai mis à ma façon une plaque sonore commémorative sur tous ses souvenirs. Ici mon amour est passé. Ici mon amour a été une petite fille en soquette blanche. Ici mon amour a été une frêle adolescente tout en jambes et en bras. Ici elle a travaillé. Ici, Isabelle, je t'aimais partout. Si nos amours sont orageuses, notre vie est aussi simple que calme. Je pars au Katmandou à 11h du soir. Le plus souvent Isabelle reste à la maison. Je rentre à l'aube et après avoir grignoté en silence, tapis dans la cuisine, je me glisse, avec des gestes feutrés, dans notre lit. Presque toujours dans son sommeil elle devine ma présence, pousse un petit grognement de plaisir et vient se blottir dans mes bras. Sa tête sur mon épaule, mes lèvres sur ses cheveux, je reste immobile. Amoureuse et sereine, je suis entrée au pays. Le matin c'est elle qui se lève la première, parfois je ne sens pas le baiser furtif qu'elle dépose fidèlement sur mon front alors qu'éreinté je commence à peine ma nuit avec le soleil. J'ai souvent remarqué que nombre des personnes s'étonnent de la vie sage et régulière menée par les homosexuels. Ils nous imaginent vivant dans l'excès, par tous arts. Droguée, alcoolique, messaline et sardanapale, le vice chevauchant la débauche et autres joyeusetés du même acabit. Avec son physique, Isabelle n'eut aucun mal à réaliser un vieux rêve, devenir mannequin. Je l'aidai de toutes mes forces et très vite elle réussit à percer dans ce métier instable où l'on n'est jamais sûr d'avoir du travail le lendemain. Pour la plupart, les photographes sont des dragueurs sans vergogne. Il n'hésite pas à tripoter un sein plus qu'il en ait besoin, pour rectifier un pli sur un corsage ou pour effacer une ombre sur un nu. Ils invitent à dîner le mannequin avant de décider la signature d'un contrat important. Au début, les gens du métier s'étonnèrent ouvertement de ne jamais voir Isabelle accompagnée ou attendue par un chevalier servant. Elle n'osa pas dire « Je suis lesbienne ». J'aime une femme, je vis avec une femme. Alors elle s'inventa un fiancé invisible et je devins l'arlésien des ateliers photo. J'étais pilote de ligne, ou marin grec, voilà qui permettait d'expliquer mes absences fréquentes et sa fidélité de Pénélope. Ce n'est que bien plus tard qu'elle annoncera carrément qu'elle est lesbienne. Remous et réactions divers. Elle ne perd pas son travail, mais finit les propositions de photos aux Antilles et autres séquelles. Pourquoi s'embarrasser d'un matériel humain inutilisable une fois la journée de photos terminée, alors que des candidates mieux disposées s'écrasent aux portes des agences? Ainsi vont les hommes, les machos de la photo. Nous avions 23 ans d'écart et nous étions heureuses. Bien sûr, lorsqu'elle reposait contre moi, chaton de laine et d'angora, ronronnant son plaisir ou son bonheur, J'aurais voulu que le temps s'arrête, qu'elle ne grandisse plus, qu'elle ne devienne jamais une adulte compassée et réfléchie, que je ne devienne jamais une vieille femme pleine de rides et de graisse. Bien sûr, alors, je rêvais d'avoir 20 ans de moins, pour ne plus avoir cette peur au ventre de la perdre demain, parce que demain j'aurai 60 ans et elle à peine 37, et qu'après-demain j'en aurai 70 et elle à peine l'âge que j'ai aujourd'hui, parce que je n'imagine pas que l'on puisse aimer d'amour une femme de cet âge, parce que j'ai beau penser à Nathalie Barney et à ses amours crépusculaires, je sais que je n'oserai plus, moi, lorsque viendra la nuit, séduire comme au chant du coq. Mais pour l'instant, ce 23 ans d'écart, ce gouffre, ne me semblait pas si profond. Parfois bien sûr il me semblait infranchissable et je craignais le pire, mais la plupart du temps mon amour, notre amour, me permettait de l'oublier, ou de l'assumer sans inquiétude. Ah! La belle et bonne occasion d'expliquer, de motiver et peut-être d'excuser mon homosexualité par une psychanalyse de Divan Lévitant. Je serai lesbienne.